Me pardonnes-tu, ma chère et bien-aimée Adeline ? Oui, mais mon ami, relève-toi. Eh bien, avec ce pardon, je pourrai vivre, reprit-il en se relevant. Je suis rentré dans notre chambre pour que nos enfants ne fussent pas témoins de l'abaissement de leur père. Ah, voir tous les jours devant soi un père, criminel comme je le suis, il y a quelque chose d'épouvantable, qui ravale le pouvoir paternel et qui dissout la famille. Je ne puis donc rester au milieu de vous. Je vous quitte pour vous épargner l'odieux spectacle d'un père sans dignité. Ne t'oppose pas à ma fuite, Adeline. Ce serait armer toi-même le pistolet avec lequel je me ferai sauter la cervelle. Enfin, je ne suis pas dans ma retraite. Tu me priverais de la seule force qui me reste, celle du remords. L'énergie d'Hector imposa silence à la mourante Adeline. Cette femme, si grande au milieu de tant de ruines, puisait son courage dans son intime union avec son mari, car elle le voyait à elle. Elle apercevait la mission sublime de le consoler, de le rendre à la vie de famille et de le réconcilier avec lui-même.